Yeah. So fuck it. Yeah. Je suis un ego de madame. L'eau, les balles pleuvent comme les mamans. Et tous les jours, je ride for my nigga. Que t'as for my nigga du hood au placard. Et la police n'est pas comme à Paname. Ici, la popo a des Batman. Et la cocaïne a point. Et un caraïbe dans la soute, parmi les bagages. Visibilité, oh no, à une moto. Boum boum, oh oh. Les négos font vendre la money. Brr, vendre la money. Brr, prends votre brr pour la money. Mes potos ont la dalle. Énervé dès le plus jeune âge. L'inégalité te fout la rage. Sur le thé devient un étage. La suite fait faire des bêtises. Et l'envie est le pire de vis. La jalousie, l'hypocrisie, la trahison. Tout le monde pense avoir raison. J'ai coupé mes chaînes. Mais le fils sans m'éloigner des miens que la police me craigne. Essuyer les larmes de ma terre et assécher la peine. Maudit celui qui nourrit le scandale quand le démon l'amène. Car sa peine est ma peine. Je suis un négro de madame. L'eau, les balles pleuvent comme les mamans. Et tous les jours je ride for my nigga. Que taille for my nigga du hood au placard. Et la police n'est pas comme à Paname. Ici la popo a des Batman. Et la cocaïne a point. Et un caraïbe dans la soute, parmi les bagages. Pas de maman, non. Ici, pas de jet li, les chargeurs sont pleins. Rapide comme un jet ski. Sur la vie de mon filleul, tout le monde sait qui est-ce qui a tué qui. Les boucaps de WhatsApp sont meilleurs que le meilleur des flics. Yeah. Alcool et oui, t'as ma folie. Instabilité familiale mélangée à douleur et cri. Ces choses, si violent, ça fait mal. On dit que tout ça est écrit. Personne ne sait ce que t'as, mais tout le monde te dit que t'as grossi. Assez mal, jaloux, sans save. Je suis un ego de madame. L'eau, les balles pleuvent comme les mamans. Et tous les jours, je ride for my nigga. Que t'as for my nigga du hood au placard. Et la police n'est pas comme à Paname. Ici, la popo a des Batman. Et la cocaïne a point. Et un caraïbe dans la soute, parmi les bagages. J'ai coupé mes chaînes. Mais le vaisseau m'éloigner des miens que la police me craigne. Essuyer les larmes de ma terre et assécher la peine. Maudit celui qui nourrit le scandale quand le démon l'amène. Car sa peine est ma peine.